Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net, c'est pro net. On va parler, c'est la chronique de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Steph! Salut Danny! Stéphane, tout le monde, j'imagine que tu as ton opinion sur Alex Galchenyuk contre Max Domi. Moi, écoute, sur les médias sociaux, les gens disaient « Ouais, mais c'est pas Sidney Crosby, c'est pas Alexander Ovechkin. » Je suis très d'accord, mais une équipe qui est 29e n'est pas manchée trop pour faire des échanges, à mon idée, des échanges de talent, là. Oui, évidemment, Danny, le meilleur joueur échangé dans cette transaction-là, si on parle de talent, selon moi, c'est Alex Galchenyuk, de toute évidence. Mais je pense qu'il faut retourner là à la conférence de presse de Marc Bergevin sur son bilan de saison. Puis il a mentionné le mot attitude plusieurs fois. Puis il a beau faire croire au monde que c'est une échange hockey, je pense que c'est vraiment une échange pour... Il veut changer le cœur de son vestiaire, l'attitude. On connaît la réputation de Galchenyuk, qui est un bon joueur de hockey sur la glace. À l'extérieur, il semble avoir une vie nocturne un petit peu agitée. Son père aussi, là, hein, on dit que son père... Son père est l'eau dans l'entourage. Ouais. Donc, j'ai l'impression, moi, là, on veut avoir plus de caractère, plus de leadership, plus de gars qui vont cadrer dans l'image du Canadien. Et c'est ce qui explique pour moi l'échange de Galchenyuk. En Max Domi, le Canadien obtient un joueur à découvrir, je pense. C'est pas pour rien là, que Arizona le laisse partir, un joueur de 23 ans. Ils ont lancé la serviette de leur côté sur Max Domi. J'ai hâte de voir son plein potentiel. Oui, c'est un joueur de caractère. C'est un joueur qui va ressembler un petit peu plus à Gallagher. Au niveau de son implication physique, prêt à payer le prix. Peut-être plus de talent que Gallagher, meilleur fabricant de jeu. Mais somme toute, je suis pas certain qu'on s'améliore au niveau offensif là dans cet échange-là. Non, regarde. Puis c'était ça le problème du Canadien. 29e position, c'était ça. Puis je regarde, c'est sûr qu'il reste encore du temps. Et d'après toi, Max Pacioretty, vas-tu partir? Ben Max Pacioretty, on va sans doute le magasiner, mais qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour? Max Pacioretty, c'est exactement le genre de joueur, aussi Galchenyuk, on peut le dire, qui pourrait là faire mal paraître le Canadien si jamais ils se mettent à jouer à leur plein potentiel. On sait que, bon, c'est deux ailiers. Les deux ailiers ont produit moins cette année, mais des fois, pour être productif dans le national comme ailier, ça prend des bons joueurs de centre. Et c'est ce qui manque aux Canadiens. Donc, mec, Pacioretty avec un bon joueur de centre. Bon, Galchenyuk, on semble vouloir le réessayer au poste de centre en Arizona. Mais ça sera délicat d'échanger Pacioretty. J'ai l'impression qu'on n'est pas content de son leadership. Non. Le fait qu'il soit capitaine. Je pense que le vrai capitaine dans ce vestiaire-là devrait être peut-être soit chez Weber ou Brandon Gallagher. Mais Pacioretty, il va falloir qu'il soit très, très prudent à Marc Bergevin avant de l'échanger parce que ça pourrait lui revenir assez rapidement dans la figure. Et ça dépend, mais en même temps, Stéphane, c'est qu'autant Max Pacioretty est un aubaine à son salaire 4,5 millions, autant ça, il va demander le gros contrat. Et est-ce qu'il vaut le gros contrat? Bien, c'est là le débat. Moi, je pense que selon la vision du Canadien versus la vision de Max Pacioretty, je pense qu'il va y avoir une assez grande différence. Est-ce que le Canadien va être prêt à mettre sur la table un contrat à long terme comme ils ont fait à Carey Price pour s'engager envers Max Pacioretty aussi longtemps avec des montants, mettons, de 6-7 millions par année? Je suis pas certain que je prendrais moi aussi la chance sur Max Pacioretty. Donc, si on est capable d'aller chercher de bons joueurs en retour, mais encore là, le calcul est toujours le même. L'année, on a de la difficulté à produire offensivement. Et là, on va échanger un des meilleurs marqueurs au cours des 5 dernières saisons dans la Ligue nationale. Non, ça, du coup, moi, je ne sais pas, là, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de joueurs de centre intéressants également. T'as lu également beaucoup de choses, tu l'as lu comme moi. Est-ce que tu penses que qu'est-ce que le Canadien va faire au troisième rang? Bien, ça va être un mystère et boule de gomme. La pression est sur eux, la pression est sur Trevor Timmons. Il faut un joueur d'impact, un joueur qui va compter des buts. Le jeune Zadina m'apparaît un compteur. Par contre, c'est un allié. C'est un allié. Le joueur finlandais qui est un joueur de centre, il a vraiment explosé cette saison. Kachuk, c'est peut-être un joueur un peu plus complet que les deux, mais est-ce qu'un de ces trois-là va vraiment devenir un joueur rapidement dominant dans la Ligue nationale? C'est là que Trevor Timmons et le groupe de dépisteurs ne peuvent pas là, se tromper. Stéphane, si le Canadien sont capables de s'avancer, de se reculer et d'aller chercher un choix repêcheur, un deuxième choix pour reculer cinquième ou sixième, moi je le ferais. Puis je repêcherais le Finlandais. Si on est capable d'aller chercher un autre choix repêchant quelque part, hein? Parce qu'on a besoin de relève. C'est pas compliqué. Il n'y a aucune relève. C'est sûr. Puis avec le. Là, t'as quatre choix repêchage. C'est ça. Il faut maximiser ça. Mais en même temps, on dit qu'à part Dallin, le premier choix au total, par la suite, ça s'équivaut pas mal. Donc, si on est capable de maximiser ce troisième choix, par contre, la pression est toujours là. Si on se recule un petit peu, comme tu l'expliques, ce qui moi aussi, moi, en tout cas, je pourrais être tenté de magasiner cette possibilité-là. Mais si le joueur qu'on repêche ou s'il y a des joueurs qui vont surperformer avant, ben à ce moment-là, on s'expose à la critique. Mais c'est ça le repêchage. Ouais. De faire une bonne évaluation du développement du potentiel du joueur. Et à cet égard-là, bien, on peut facilement dire que Trevor Timmons, dans les dernières années, sa moyenne au bâton, malheureusement, n'a pas été excellente. Parce qu'il y a beaucoup de pression, Trevor Timmons, il joue sa tête lors du prochain repêchage? Bien, moi, je pense que les dirigeants du Canadien, là, je parle à Bergevin, entre autres, et tout son entourage, ils sont sous la grande pression. Ouais. Ils sont protégés présentement avec de très bons contrats, mais au fur et à mesure que les années vont s'écouler, ils vont s'exposer là, à se faire mettre dehors. Donc, ils doivent redresser la situation rapidement et sans dire... Moi, j'aurais pensé que ces gens-là auraient peut-être été sacrifiés après la saison de cette année, mais ils sont protégés par d'excellents contrats que Jeff Molson possiblement ne voulait pas assumer. Ouais. C'est pour cette raison-là qu'ils sont encore en poste, en espérant qu'ils vont changer la recette puis que cette fois-ci, là, ils vont faire des coups sûrs ou des coups de circuit. Parce que le Canadien en a bien besoin là, pour les prochaines années. Effectivement. Steph, je veux te parler en terminant de Barry Trotz. Barry Trotz qui a annoncé qu'il ne reviendrait pas à la barre des Capitals de Washington. Moi, je trouve qu'il a bien fait. Quelque part, quand l'organisation n'est même pas capable de lui offrir... on est rendu en finale de la Coupe Stanley. Il n'est même pas capable de lui offrir un contrat. Il me semble qu'il y a un message assez clair, là. Tout à fait. Il a été insulté, de toute évidence. Il a été bon. Il a conduit son équipe de main de maître. Ça prend une bonne équipe, mais ça prend aussi un bon entraîneur. Et tout le long de ce processus-là, lui, il avait ça derrière la tête, il n'avait pas de contrat. Ben, c'est clair. Et là, il gagne la Coupe Stanley. Possiblement qu'il s'attendait à une récompense. Il y avait une clause de 2 ans pour extensionner son contrat avec une augmentation de 300 000. C'est là que les Capitals auraient pu déchirer le contrat puis lui dire, regarde, on reconnaît ce que tu as fait, on te donne 3 ou 4 ans avec un salaire beaucoup plus intéressant à comparer à ce qu'il faisait. Ça aurait été une marque de reconnaissance, mais ils ne l'ont pas fait. Pour quelle raison? Peut-être qu'eux, les dirigeants, pourraient nous l'expliquer, mais pour Barry Trotz, je suis pas mal certain que ce sera pas difficile pour lui de se retrouver un emploi dans la Ligue nationale. C'est clair. Steph, un gros merci. On s'en reparle peut-être d'ici la fin de l'été. Ben, ça me fait plaisir. Stéphane Lebeau, notre collaborateur hockey.